songe le petit petit grand papa m'ta bam paraba il te dit si met en pratique y a sa vigne en bâton de main il dit belle femme c'est belle malheur pas jeter ancien pour sa neuf j'ai un boy il dit ou pas ce qu'on pas goûter conseil mauvais ami ça fait bon c'est toujours mystère kabicha toujours dans géant pas mandé contre conseil kabona pas prêter sans mes l'argent vitement bon doucement bon tout. C'est la lettre qui mène à casser. Prière longue, fait jour nous cocher. Grand pas le bon riz qui te prenne un beau chien. Pas mes lèvres dans un fait bon. Pas mes lèvres dans un fait bon. Moi dis pas mes lèvres, moi dis pas mes lèvres. Pas mes lèvres dans un fait bon. Ça fait qu'à mon c'est toujours mystère. Pas mes lèvres dans un fait bon. J'ai ouais bouche, paix, c'est parole comme un nom. Pas mes lèvres dans un fait bon. Moi dis pas mes lèvres dans un fait bon. J'ai pas barré bouche par la rivière oh. Pamele dans sa femme. Moi dis pamele, moi dis pamele oh. Pamele dans sa femme. J'ai pas barré, bouge pas la rivière. Pamele dans sa femme. Moi, dis pas mêlé, moi.